En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 10e épisode. Dimanche 29 février, jour de garde, fin. Zimmermann, j'écoute. Bonjour, professeur. Ah, salut toi, tu vas bien? Moyennement. T'es à l'hosto? Non, à mon cabinet appelé. Dites-moi, je vous ai fait envoyer un de mes amis. Ça fait des semaines qu'il va pas bien, mais c'était tout un cirque pour l'inciter à se faire hospitaliser. Vous n'avez peut-être pas encore vu. Ray Markson, c'est ça? Si, si, je l'ai vu il y a une heure. Très sympa ce type. Il est américain? Australien, mais il vit à Tourmance depuis plus de 15 ans. Je l'ai rencontré quand j'ai passé mon année chez les kangourous. Quelques années après, il a pris une année sabbatique pour venir ici, et il est resté. Alors, t'es inquiet? Mais y a de quoi, non? Attends qu'on lui refait son bilan, pour qu'on sache exactement où on en est. Ça fait longtemps que ça dure? Des mois. Un jour, Teram, son médecin, lui fait une numération. Il voit bien que ça déconne, mais Ray ne veut rien savoir. Il voulait pas inquiéter sa femme, il voulait qu'on lui fiche la paix, il avait des bouquins à finir, il est historien. Ce genre de cochonnerie, ça reste asymptomatique pendant des mois, parfois pendant des années. Vaut mieux pas y toucher. En un sens, il a bien fait de rester peinard. S'il était venu ici l'an dernier, Bloch n'avait pas encore pris sa retraite. J'aurais pas pu l'empêcher de lui mettre le grappin dessus. Il aurait eu droit à tout le bazar, leucocytes marqués, anticorps monoclonaux, chimiothérapie expérimentale et tutti quanti. Aujourd'hui, en revanche... Oui? On va en faire le moins possible. Ah, c'est si mauvais que ça? Tu sais, une anémie réfractaire qui peut se transformer d'un jour à l'autre en leucémie aiguë, ça peut difficilement être bon. Et il a un tas de facteurs aggravants. Mais comme le dit ton bon maître Lenz, ne l'enterrons pas trop vite, il est peut-être pas d'accord. Ouais. En faire le moins possible, ça veut pas dire ne rien faire. On va le transfuser, déjà il ira mieux. Si ses blancs restent stables et si sa pneumonie n'est pas due à un mouton à cinq pattes, on le renverra vite chez lui. Je le reverrai en consultation, deux fois par mois, ou en hôpital de jour, s'il faut le transfuser de temps à autre, mais on n'aura pas à le chatouiller plus que ça. Merci Zim, je vous revaudrai ça. Alors à demain. À demain, mon grand. Je vous écoute. Je vous amène ma fille parce qu'elle ne mange plus. Mais si, si, arrête, tu racontes que des conneries, là. C'est pourtant la vérité, docteur. Non. Elle n'a pas pris de poids depuis au moins 6 mois. Elle met toujours les mêmes chemisiers, alors que l'année dernière, elle a pris 12 cm en un an. C'est inquiétant tout de même. Elle va finir par mesurer 1m80 comme son père. Et alors? Oh, quelle catastrophe! C'est beau, une grande jeune femme. Je vous l'amène pour que vous l'examiniez, que vous lui fassiez des prises de sang et que vous trouviez ce qu'elle a. Vous pourriez peut-être aussi lui expliquer que partir au lycée le matin sans déjeuner, ce n'est pas sérieux. Mais arrête! Écoute, tu arrêtes maintenant. D'autant qu'à 14 ans, il n'est toujours pas réglé. Je lui dis pourtant que si elle ne se rembourre pas un peu, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement, madame? Mais tout! Elle ne mange pas. Elle ne veut pas me parler. Elle ne veut pas que je l'embrasse le soir. Elle me fait la gueule quand je l'emmène au lycée, alors que j'ai eu les pires difficultés pour obtenir un poste à Sainte-Jeanne pour être près d'elle. D'ailleurs, elle fait tout le temps la gueule. C'est pas vrai! Tu fais tout le temps la gueule? Non! Oh, c'est pas possible. Elle ne m'aide jamais. Quand j'avais son âge, je n'étais pas du tout comme ça. Ma sœur et moi, on aidait toujours ma mère à mettre la table. Alors je ne comprends pas qu'elle soit comme ça. Je suis sa mère tout de même. Elle me doit le respect et elle doit m'obéir. C'est vrai quoi? Elle a des devoirs envers moi. Et jusqu'à ses 18 ans, j'ai tous les droits sur elle. Oui, et même après d'ailleurs. Son grand-père lui a laissé de l'argent, mais elle sera trop jeune pour le dépenser. Il faudra bien qu'on la conseille. Ce qui m'inquiète surtout pour le moment, c'est qu'elle ne mange pas. Vas-y, dis-le au docteur Annie. Dis-le que ça ne passe pas, Annie. Je te parle. Voyez? Elle ne veut même pas me répondre quand je lui parle. Et le pire, c'est qu'au lycée, tous mes collègues me disent qu'elle est charmante, que c'est une bonne élève, alors que dans ma classe, elle est insupportable. Mais c'est non! Tu es... Putain! Arrête avec tes gros mots. Elle parle tout le temps avec sa copine Sarah. Je ne peux tout de même pas les envoyer au proviseur. C'est ma fille tout de même, de quoi j'aurai l'air. Vous avez votre fille en classe? Naturellement. J'ai toujours eu depuis le CP. J'étais institutrice à Lange, au-dessus de la vallée. Il y avait une classe à plusieurs niveaux, alors j'ai toujours eu avec moi. Mais comme son père n'avait pas de travail fixe, j'étais pas toujours sûre de boucler les fins de mois. Alors j'ai fait une formation pour devenir professeur de collège. Heureusement qu'on a ça. Maman, arrête avec ça. Tiens, t'as retrouvé ta langue à présent. Dès que je parle de ton père, tu te réveilles. J'ai le droit d'en parler tout de même. C'est tout de même moi qui me le suis, qui l'ai supporté pendant toutes ces années. Toi, évidemment, tu n'as rien vu. De toute manière, je sais bien qu'il te monte la tête contre moi. Mais arrête! Alors que moi, je n'ai jamais rien dit contre lui. Et pourtant, j'aurais pu. Mademoiselle, voulez-vous nous laisser seuls, votre maman et moi? Ah ouais, carrément, ouais. Vous me parliez d'une fugue tout à l'heure. Oui, excusez-moi, je m'y perds. Ça me bouleverse tellement de la voir dans cet état-là, ma petite fille. Elle a personne d'autre que moi, et moi je n'ai qu'elle. Hein. Mais son père... Son père, il ne remettra plus jamais les pieds chez moi. Non, mais je voulais dire, votre fille ne le voit pas? Alors ça, bien sûr qu'elle le voit, mais le moins possible. Avant, il la prenait seulement quand elle était malade. Mais depuis un an, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances. Pardon. Et cette fugue, alors? Oui. Moi, comme je la voyais pas sortir du lycée, je me suis inquiétée, bien sûr. J'ai demandé à la secrétaire si elle avait vu Annie. Et elle m'a répondu qu'Annie était partie. Vous imaginez mon angoisse? J'étais effondrée. Je me disais, mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? Et au moment où je sortais en me demandant si j'allais appeler la police, la secrétaire m'a fait signe. On me demandait au téléphone. C'était Annie. Elle était sortie en début d'après-midi. Elle n'avait pas cours, et comme je surveillais un devoir sur table, elle n'avait pas voulu poireauter en études, et elle était rentrée en train. Mais c'est pas vraiment une fugue, ça. Oh, pardon. Quand une adolescente disparaît pendant 3 heures de temps, moi j'appelle ça une fugue, hein, docteur. Et le manque d'appétit? Oh, m'en parlez pas, je sais pas quoi lui faire à manger. Elle aime rien, elle arrête pas de me demander des choses invraisemblables. C'est son père et sa femme qui lui mettent ces choses-là en tête. Vous la trouvez fatiguée? Fatiguée, elle, non. Mais alors moi, ça m'épuise. Elle est constamment désagréable. Elle s'enferme dans sa chambre, elle se met à pleurer. Moi, je vais pour la consoler, mais elle veut pas m'ouvrir. Ça, ça me brise le cœur. Ma petite fille, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourtant, je refuse rien. Je sais plus quoi faire pour lui faire plaisir. Elle a tout pour être heureuse. Depuis quand avez-vous remarqué qu'elle mange moins? Depuis les dernières vacances. Parce qu'en fait, ça a commencé quand elle est revenue chez son père. Je suis sûre que ça s'est mal passé. Cette femme a beau essayer de l'acheter en lui offrant des vêtements ou des babioles, c'est pas sa mère. Depuis, elle mange pratiquement plus rien. Alors évidemment, je m'inquiète. Je me dis qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Si ça se trouve, elle a un problème avec son père. Je me fais tellement de soucis. Je me demande si elle va pas me faire une anorexie. Vous comprenez, docteur? Depuis un mois, je me suis mise à regarder si Annie se bourre pas de gâteau en cachette. Et quand elle va aux toilettes, je passe derrière elle pour voir si elle se fait pas vomir. Et chez son père, elle mange? J'en sais rien. De toute manière, elle va pas souvent chez son père. Alors, c'est pas ce qu'elle mange chez lui qui compensera ce qu'elle mange pas chez moi. Vous pensez que vous allez pouvoir faire quelque chose, docteur? Il y a toujours quelque chose à faire, madame. Je vais examiner votre fille et ensuite nous déciderons d'une conduite à tenir. Mais si je vous entends bien, je ne crois pas qu'elle soit en danger. À vue d'œil, je dirais qu'elle traverse une mauvaise passe et qu'elle a besoin d'aide. Et vous aussi, je crois. Ah, docteur, c'est bon d'entendre ça. Si vous saviez comme c'est difficile, je me plains jamais à personne. Jamais je ne dirai le moindre mot contre son père. Pourtant, avec ce qu'il m'a fait, j'en aurais à dire. Si vous permettez, je vais recevoir Annie pour l'examiner. Oui. Je n'en aurai pas pour longtemps. D'accord. Vous voulez bien nous laisser? Ah oui, docteur. Vous êtes en colère. Ça, c'est sûr. C'est rien de le dire. Franchement, je me demande bien ce que vous allez me faire. Vous avez passé une demi-heure avec elle, vous allez sûrement me donner des médicaments pour me calmer, me faire la morale. Putain, je parie qu'elle vous a dit encore plein de conneries sur papa. Ça m'énerve. Si c'est une question, je ne peux pas y répondre. Pourquoi ? Je suis trop jeune, je vais pas comprendre. Oh si. Mais je ne peux pas révéler ce que m'a dit une autre personne. Ça va pas vous empêcher de tout lui raconter. Hein. Moi, j'ai rien à vous dire. Si je racontais à votre mère ce que vous m'avez ou ne m'avez pas dit, je ne serais pas médecin. Je serais un sale con. Alors, c'est vrai. Quoi donc ? Pas le secret. Une de mes amies, là, Sarah Féval, vous la connaissez. On va au lycée ensemble, elle est venue vous voir parce qu'elle voulait prendre la pilule. Quand elle vous a dit qu'il fallait pas que ses parents le sachent, vous lui avez dit que vous êtes tenu au secret. Je ne peux pas vous parler de votre amie, mais ce qu'elle a dit du secret est tout à fait vrai. Ce qui se dit ici ne sort pas d'ici. D'ailleurs, ce qu'on me dit au téléphone ou dans la rue, c'est pareil. Pour un vrai médecin, le secret, c'est absolu. Ma mère, tout ce qu'elle vous a dit sur papa, c'est pas vrai. Papa, il est parti parce qu'il en avait marre. Il en avait marre d'être son chien. Il en avait marre de se faire engueuler parce qu'il rapportait pas assez d'argent à la maison. Marre de se faire traiter d'incapable et de paresseux par ma grand-mère et par mes tantes. Marre de vivre avec une bonne femme qui pue et qui, toutes les semaines, nous donne à bouffer la même chose. Lundi, de l'omelette cramée. Mardi, des betteraves rouges. Mercredi, de la soupe avec 2 poireaux, 3 carottes, une pomme de terre et un navet. Et tous les samedis, sans exception, un bout de barbac baignant dans l'huile au milieu de cubes de pommes de terre mal frites. Papa, il est parti parce qu'il en avait marre. Et franchement, il avait raison. Et quand elle dit qu'il nous a abandonnés, elle dit des conneries. Moi, je me sens pas abandonnée par mon père. Je me sens en prison chez ma mère. Mais ça, bah, c'est pas ce que tout le monde raconte. Et qu'est-ce que tout le monde raconte ? Des conneries, elles disent toutes que c'est Rachel qui l'a fait partir. Rachel, votre belle-mère ? C'est pas ma belle-mère. C'est la femme de mon père, je l'aime plus que ma mère et elle m'aime mieux qu'elle. Elle est pas gluante, elle, et quand elles disent que c'est elle qui l'a fait partir, elles mentent. Il la connaissait même pas. Il est parti et il l'a rencontrée 3 semaines après. Vous pensez que votre père a bien fait de partir ? Mais bien sûr ! Ils arrêtaient pas de s'engueuler de toute manière. Je les entendais s'engueuler le soir et je pleurais pour plus les entendre. Je les entendais aussi le matin en me réveillant. Enfin, pas tous les matins. Le dimanche, ma mère se levait jamais avant 10 ou 11 heures. Et comme elle ronflait, ça me réveillait. J'entendais mon père se lever, alors je me levais moi aussi, je lui faisais du café et je lui en apportais et je restais avec lui dans l'atelier. L'atelier ? La pièce où il peint. J'aime le regarder peindre, moi. Le week-end, je passe des heures à le regarder peindre. Et ça ne gêne pas Rachel qu'il passe des heures à peindre ? Bah non, pourquoi ? Elle l'aime, elle trouve ça normal. Et puis il bosse toute la semaine, il a bien le droit de peindre le dimanche. Où est-ce qu'il travaille ? Maintenant, il travaille chez lui. Avant, il était dans une boîte de petits gâteaux. Non mais si, c'est vrai, il était dessinateur dans une usine de petits beurres. Ah d'accord, je comprends mieux. Quand j'étais petite, je le regardais dessiner les boîtes, il faisait les jeux qui allaient dessus, des mots croisés, des rébus, des puzzles, des trucs à découper. Et quand elles étaient imprimées, il m'en rapportait à la maison et ma mère râlait parce qu'il rapportait des boîtes vides. Évidemment, il les rapportait pas pour que je bouffe des gâteaux, il les rapportait pour que je joue. D'abord, il les dessinait au crayon feutre et puis il finissait à l'aquarelle. Et puis un jour, il s'est acheté un ordinateur et une tablette graphique, ce qui fait qu'en plus de son boulot à l'usine, il a dessiné pour des clients à droite à gauche. À la fin, il en a eu marre des petits gâteaux et il est parti. Il a quitté sa bonne femme et sa boîte le même jour et il s'est mis à son compte. Comme il a plein d'idées, forcément, il arrête pas d'avoir des commandes, il travaille tout le temps. Alors il a bien le droit de peindre quand ça lui chante. Mais ça, ma mère, elle a jamais pu le supporter. Elle supportait pas qu'il soit pas là pour elle. Alors qu'elle, quand elle corrige ses foutues copies, elle est jamais là pour personne. Moi, quand il peignait le week-end, je m'asseyais sur un tabouret à côté de lui, je le regardais sans rien dire et il m'a jamais mise dehors. De temps en temps, il se mettait à parler pendant qu'il peignait et au bout d'un moment, il s'arrêtait de peindre, il se levait, il reculait vers moi, il mettait son bras sur mon épaule et il disait « Tu vois, quand t'es là et qu'on parle, je pense plus au tableau. » Et il se fait sans moi et je le regarde se faire. Je l'ai même vu peindre avec Théo tout petit sur les genoux. Et Théo, il tendait les bras, il faisait « adada » et papa, il continuait à peindre. Le matin, quand Rachel, elle part travailler, c'est lui qui s'occupe du Théo. Il l'habille, il lui donne à manger, il l'emmène chez la nourrice. Le soir, ils vont le chercher tous les deux, il le baigne, il le couche. Un jour, j'étais malade, ma mère, elle a pas voulu prendre une journée de congé pour me garder, alors il est venu me prendre et il m'a ramené chez lui. Et ce jour-là, Théo, il était malade lui aussi, il avait du rhume, et du coup, il l'avait pas confié à la nourrice. Et quand j'ai vu papa le changer, je lui ai demandé « Mais c'est Rachel qui t'a appris ?» Et il a ri et il a dit « Mais non, ma puce, c'est toi !» Et il m'a expliqué que quand je suis née pendant 6 ou 8 mois à cause de son accident, il l'a pas travaillé et il s'est occupé de moi. Et ça m'a scié parce que ma mère, elle se plaignait toujours qu'il s'occupait jamais de moi quand j'étais petite. Non mais elle est trop con. Elle veut pas que j'ai un père. Elle comprend pas que j'ai un petit frère. La seule fois où j'ai essayé de lui en parler, elle a craché « C'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. » Et je lui ai dit qu'elle avait du culot vu qu'elle aussi, elle a une demi-sœur. Nicole, grand-mère, l'a eu avant de se marier avec grand-père. Mais quand je lui ai dit ça, elle m'a fait son sourire de masque grec et elle a soupiré « Oui, mais vous avez pas la même mère. » Qu'est-ce que vous voulez faire ? Franchement, je sais pas. Moi, je veux partir, je veux aller vivre chez papa. Je lui ai demandé si je pouvais venir vivre chez lui. Moi, j'en ai marre de vivre seule avec une mère qui fait la gueule tout le temps alors que je pourrais avoir une vie de famille avec papa et puis Rachel et Théo. J'ai envie de voir grandir mon petit frère. Quand je retourne là-bas, il sait faire des choses nouvelles et quand ça fait 10 jours que je l'ai pas vu, il faut qu'on refasse connaissance à chaque fois. Ma mère, elle le sait bien. Un jour, elle me demandait de mettre la table parce qu'elle avait des copines à dîner. J'ai dit que j'étais pas sa bonne, alors elle s'est mise à se gifler. Elle fait ça tout le temps. Quand je la contrarie, elle se gifle et elle se met à pleurer. Elle a dit « De toute manière, je sais bien que tu vas aller vivre chez ton père. » Mais moi, j'avais jamais pensé que c'était possible. Je me suis dit « Mais c'est vrai, ça. Un père, ça compte autant qu'une mère. Pourquoi est-ce que je pourrais pas aller vivre chez lui ?» Et lui, qu'a-t-il dit ? Il était d'accord. Il a dit qu'il en discuterait avec ma mère, mais en fait, c'était compliqué. Il l'a pas fait ? Si, mais c'est elle. C'est une saleté, putain. Expliquez-vous. Papa, il est allé lui parler. Mais au retour, il m'a dit que ce serait pas possible. Qu'il valait mieux attendre et que si on essayait de forcer les choses, ça serait pas bon. Plus tard, c'est Rachel qui m'a expliqué que ma mère savait des choses sur mon père et qu'elle le dirait au juge si jamais il demandait ma garde et que ça risquait de lui attirer des ennuis, mais surtout à Rachel et à Théo, et qu'il pouvait rien faire. En ce moment, vous voyez votre père moins qu'avant ? Ouais. En dehors des vacances, je vais chez lui 5 jours par mois. 2 mercredis et 2 week-ends. Ma mère raconte à tout le monde qu'il veut plus me voir, que je m'entends pas avec Rachel, que je suis jalouse du bébé. Mais bien sûr, elle raconte jamais ça devant moi. Comme ça, je peux pas dire que ce sont des conneries. Comment faites-vous maintenant quand vous n'avez pas classe ? La semaine dernière, j'en ai eu marre. Je me suis tirée du bahut. En passant devant la secrétaire, je lui ai demandé si elle avait vu ma mère sortir. Elle m'a dit non. Or, j'ai répondu qu'elle avait dû partir devant et je suis sortie avec un grand sourire. Au revoir, madame. Elle y a vu que du feu. Je suis allée chez papa en bus. C'était l'anniversaire de Théo. Il avait juste 2 ans et j'allais pas le revoir avant 10 jours. Vous vous rendez compte ? Putain, mais 10 jours à cet âge-là, ça compte, quoi ! Et vous, quel âge avez-vous ? 14 ans et demi. Oui. Pour vous aussi, 10 jours, c'est long. Et 3 ans pour être majeur, encore plus. De toute manière, ça sert à rien que je vous raconte tout ça. Et puis, je suis pas malade, c'est elle qui l'est. Vous avez raison, vous n'êtes pas malade. Et vous ne m'avez rien demandé. C'est votre mère qui est demandeuse. Elle est tout le temps en train de demander. Elle sait rien faire toute seule. Et elle se plaint tellement que les gens se sentent obligés de lui faire ses trucs. Vous pourriez essayer de trouver avec quoi votre mère a menacé votre père. Et quand ce sera fait, vous irez voir Maître Pérec, de ma part. Vous lui raconterez tout, il vous aidera. Mais avant ça, il faut peut-être apprendre à endormir l'ennemi. Allô ? Maman, je suis désolée, je viens d'avoir un autre appel. La poussée de fièvre de 5h30. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, le dimanche, c'est presque toujours à 5h30 qu'on appelle pour un enfant qui fait de la fièvre. En général, les mômes vont bien le matin, le midi, ils déjeunent chez la grand-mère ou la tante. L'après-midi, ils galopent dans le jardin où ils regardent la télé avec les cousins. Et puis, en fin d'après-midi, ils se mettent à se plaindre, mal de tête, mal de ventre, ils frissonnent. Il vomit dans la voiture et comme le lendemain il y a école, On appelle le médecin ? Non, c'est autre chose. C'est une dame qui habite de l'autre côté du pont. Monsieur Jiyu, il ne va pas bien ? C'est ça. Sa femme voulait demander un conseil. Il a un cancer du larynx. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras. Le lendemain, on lui faisait sa fibroscopie et 3 jours plus tard, on l'opérait. Depuis, il ne peut plus parler. Il respire par une canule placée sous le cou. Il n'allait pas mal. Il avait maigri, bien sûr, mais il continuait à bricoler et à cultiver son jardin. La semaine dernière, il a fait une bronchite. Il s'est encombré. Il reste assis dans un fauteuil parce qu'il est très essoufflé et pour évacuer ses crachats, il faut l'aspirer avec un tube en plastique qu'on passe dans sa canule. Je ne devrais pas raconter tout ça. Oui, c'est ça. Sans sur toi, c'est tellement meilleur. Va voir Madame Guillou, mon fils. Ne t'inquiète pas pour moi. Encore. On ne l'a pas encore assez promenée pour qu'elle s'endorme. C'est Maurice qui pousse le landau. Il est plus fort, c'est plus régulier. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route. Il fait beau. Il fait grand jour encore. Les gens n'ont pas envie de rentrer chez eux par ce temps. Il fait un peu frais quand même, mais pour la saison, c'est pas vraiment étonnant. On passe devant la porte du cabinet médical. Les volets sont fermés, mais une voiture blanche est garée dans la cour goudronnée. Celle de Monsieur Troya, sûrement. Ça devient une habitude. Il se croit chez lui parce qu'il habite juste à côté. Et même des fois, lorsqu'il reçoit sa famille, ils se garent tous là. Bon. Le dimanche, ça n'a pas trop d'importance puisque tu ne travailles pas. Sauf quand tu es de service. Mais aujourd'hui, je sais que ça n'est pas le cas, vu que le journal d'hier disait que ce serait le docteur de la lignée. Ça m'étonne d'ailleurs de ne pas l'avoir vu passer. D'habitude, quand il est de service, il n'arrête pas. Il faut dire que le canton est grand et que beaucoup de gens profitent du dimanche pour appeler le médecin parce qu'ils sont sûrs qu'il se déplacera le jour même. Pas besoin de poireauter en consultation. Il y en a qui n'ont vraiment rien d'autre à faire qu'appeler le médecin le dimanche. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. C'était La maladie de Saxe, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 10e épisode. Parce que j'ai presque 60 Avec ans. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et David Jesselson. Emeline Bayard. Parce que j'ai 30 ans, mais Fanny j'ai déjà mal partout. Françoise Lebrun. Clotilde Morgiève. Bruitage. Bertrand Amiel. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Musique originale. Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Équipe de réalisation. Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et c'est temps. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et aux livres de poche.